Chapitre 8e. Scaramouche, soit que l'occasion lui manquât d'entrer dans une nouvelle troupe, soit que son humeur vagabonde eût repris le dessus, sembla, pendant quelque temps, avoir oublié ses succès et négligea la profession de comédien pour se donner le plaisir de chercher aventure. Peu après son départ de Bologne, nous le rencontrons à Florence. Là, il va offrir ses services au grand-duc sous le nom de Fredonelli, comme musicien du vice-roi de Naples. Singulier musicien en présence d'un amateur non moins étrange, Scaramouche se met à chanter avec force lazzi et grimace deux morceaux de sa composition dans lesquels il intercale tantôt les braiements de l'âne, tantôt les miaulements du chat, et le grand-duc, transporté, extasié, de se jeter dans les bras de l'artiste en jurant que de sa vie, il n'avait éprouvé un plaisir si vif, une émotion si complète. Les embrassades peu difficiles du prince flattèrent beaucoup l'amour-propre du prétendu Fredonelli, mais ce qui le charma encore davantage, ce fut le don d'une bourse contenant 100 pistoles, accompagnée de lettres de recommandation. Scaramouche resta si peu de temps à Florence qu'il ne nous a rien transmis de ses impressions pendant son séjour dans cette ville. Cependant, de tous les endroits qu'il avait visités, à l'exception de Rome, c'était assurément le plus remarquable. Un voyageur qui a visité la noble Firenze, à cette même époque, s'exprime ainsi. C'est une ville si belle, si bien bâtie, que Charles Quint disait qu'on ne devrait la faire voir que dans les jours de fête. Elle surpasse les autres cités d'Italie par la grandeur de ses rues, la magnificence de ses palais, les ornements de ses églises, la beauté de ses édifices, de ses places, de ses fontaines et de ses statues. Elle s'élève dans une plaine environnée de montagnes. Son circuit est de 5 000 et renferme 100 000 habitants. J'y allais voir la collégiale de Saint-Laurent, que 14 colonnes divisent en 3 nefs. Là est la chapelle ducale. Là s'arrêtent les voyageurs devant 6 tombeaux, dont 4 seulement sont finis, quoiqu'on y travaille depuis 90 ans. On y voit 6 statues de Michel-Ange Buonarroti et de 3 de ses meilleurs disciples. La cathédrale présente une superbe façade de marbre de diverses couleurs. Parmi d'innombrables statues, on distingue celle d'Adam, d'Ève, du Christ et du Père éternel. Dans l'église de Saint-Jean, on admire les tombeaux de plusieurs papes florentins. Je vis la statue équestre de Comme de Médicis et la fontaine du géant, entourée de 12 statues de bronze. Il serait trop long, je ne dis pas de décrire, mais d'indiquer les belles choses qui abondent dans cette ville. Il vaut mieux n'en point parler que d'en donner une idée imparfaite. Telle était aussi peut-être la manière de voir de Scaramouche, et c'est à ce motif qu'il faut attribuer son silence. Quoi qu'il en soit, nous allons quitter Florence avec lui et suivre sur la route de Livourne ce chrétien errant.